Chapitre 15e, thé et flirt. Monsieur Desboisbilles, averti, accourut aussitôt. L'homme a pu vous échapper, dit-il à Paulin Broquet, mais il n'a rien pris. Donc c'est tout de même une victoire à votre actif. Victoire, pas encore, monsieur le ministre, car ils vont, par un autre moyen, chercher à voir tout de suite ces documents nouveaux. Eh bien, vous saurez encore, comme cette nuit, déjouer leur plan, faire échouer leur tentative. Peut-être. Je pars continuer ma campagne. Dans l'après-midi qui suivit cette nuit mouvementée à Longchamp, sous un radieux soleil, les parieurs encourageaient l'amélioration de la race chevaline en perdant leur argent, de tout Paris en faisant assaut de luxe, de toilettes. Parmi les plus remarquées des femmes élégantes, parmi les plus admirées, celles qui eurent le plus de photographies saisies au vol, se trouvait la délicieuse comtesse Pepa d'Ortega et une de ses meilleures amies, la comtesse Varsovia, aussi blonde, délicate qu'elle était-elle, brune et majestueuse. Le marquis Don Isigo Martolo chaperonnait sa sœur, qui en outre gardait auprès d'elle, roide, sec, nerveux, et dressant plus que jamais l'échine, raidissant ses jambes rhumatisantes, roulant des yeux terribles, menaçant l'univers, le baron de la Roucoulière. Le terrible Périgourdin avait, dans cette seule journée, noté une bonne vingtaine de soupirants, à qui il devait sous peu faire mordre la poussière avec sa fameuse botte secrète de la Roucoulière. En lui-même, il se disait avec une conviction absolue, « Encore quelques journées de course comme cela, et Paris sera obligé d'agrandir ses cimetières que j'aurai peuplés. » Il tint à revenir avec la délicieuse Pepa et à la remettre chez elle, où devait la rejoindre un flot d'admirateurs qu'elle avait priés pour le thé de 6 heures. « Les morts vont vite, » se disait le baron, « mais ils n'ont pas encore fini avec moi. Je pense qu'à ce thé, je vais encore trouver une bonne dizaine de jeunes godelureaux que je devrais pourfendre. » Et il ajouta avec rage, « Et parmi ceux que je vais expédier les premiers, se trouva certainement ce gandin grotesque qui a nom M. Simonet. » La Roucoulière ne se trompait pas. Simonet avait reçu un mot pressant de la comtesse, le priant de venir ce soir sans faute prendre une tasse de thé avec ses amis La Rochardy et Montgomery. Les trois amis s'étaient engagés à venir. Le grand salon de Pepa d'Ortega était plein de jeunes hommes et de jolies femmes, parmi lesquelles la charmante comtesse Varsovia. Auprès de la cheminée, Pepa se tenait assise dans une profonde bergère et avait fait prendre place autour d'elle aux deux officiers et à Simonet. Debout, derrière la bergère de son idole, se tenait, tel un factionnaire antique, imperturbable et effroyable, roulant des yeux terribles, le baron de la Roucoulière, qui veillait sur son trésor comme le dragon d'Anam fixé devant la statue d'un Bouddha dont nul ne doit approcher. « Je tenais, dit la belle Pepa, à vous voir aujourd'hui, car vous n'êtes pas venu, malgré votre promesse, depuis votre retour d'Angleterre, mon cher monsieur Simonet, et je serais heureuse aussi d'entendre le vaillant capitaine de la Rochardy nous faire le récit de son extraordinaire exploit, de cette aventure fantastique qui lui est arrivée à Londres. » On s'était resserré autour du groupe. Le marquis Don Isigo, comme tous les invités de sa sœur, s'apprêtait à entendre le récit de cet événement dont tous les journaux de France et d'Angleterre avaient parlé. On voulait fêter le jeune et vaillant héros. Mais la Rochardy semblait peu disposée, lui qui cependant aimait tant à parler, à raconter son histoire. Il balbutia quelques paroles d'excuse et ne voulut point entamer le récit de cette aventure. Ce fut Simonet qui, voyant le dépit qu'éprouvait Pepa d'Ortega devant ce mutisme, entreprit, pour faire devant un public français l'éloge de son ami, de retracer la scène à laquelle il avait assisté et avait pris une part grandement douloureuse. Bien qu'à tout moment la Rochardy, par des exclamations qui faisaient trembler les vitres et sursauter sur ses ergots le maigre La Roucoulière, voulut arrêter son ami dans les éloges qu'il lui prodiguait, Simonet alla jusqu'au bout et raconta l'aventure. Les jeunes femmes qui écoutaient tressaillirent, poussèrent même des petits cris d'effroi. La comtesse Varsovia faillit s'évanouir quand Simonet retraça la scène où la presse commençait à écraser la poitrine de son malheureux ami et les hommes applaudirent le héros. Les mains se tendirent vers lui. La Rochardy, pour échapper à ses hommages, brusquement quitta son fauteuil et alla se réfugier dans un coin en grognant après son ami Simonet. « Je veux bien prendre le thé de la belle comtesse, dit-il, puisque cela lui fait plaisir, mais je ne tiens pas à ce qu'on érige, moi vivant, ma statue. » Parmi ceux qui vinrent féliciter et serrer malgré lui les mains du héros, se trouvait un homme au teint mat, aux cheveux noirs, partagé sur le crâne, à la grosse moustache noire, le banquier James Benhamol. Derrière ce fameux James Benhamol se glissa un homme petit, au teint jaunâtre, à la figure extrêmement intelligente, aux yeux bridés, mais brillant sous leurs paupières lourdes d'une lueur de malice suraiguë, un Japonais. Le jeune Renaud était aussi un des convives invités par la délicieuse comtesse. Ce ne fut pas sans quelque angoisse ou anxiété qu'il surprit, un moment après son chef, M. Simonet, qui était passé avec la charmante hôtesse dans un petit salon attenant à celui où l'on prenait le thé. Rapidement, se croyant caché par une lourde portière, il se disait à voix basse quelques mots, se donnait une étreinte ardente et finalement, dans un mouvement brusque, échangeait un furtif baiser. Jeune Renaud ne fut pas le seul à surprendre cette scène, qui ne dura que quelques secondes. Un domestique, appelé sans doute dans le voisinage par son service, passa la tête à ce moment par l'entrebâillement d'une porte opposée. Il ne jeta qu'un coup d'œil sur le groupe formé par le chef de cabinet et la charmante comtesse, et il disparut comme une ombre. Personne ne se doutait de l'office dont il était chargé, et quand les invités se retirèrent, depuis longtemps ce singulier domestique était parti. Il devait appartenir à un convive quelconque, car il sauta, peu après cette scène, sur le siège d'une des autos qui stationnait dans la rue, et chose encore plus singulière, cette auto, sans attendre ses maîtres, s'éloigna rapidement. Quelques instants après, la même auto revenait, n'ayant cette fois que le chauffeur sur le siège devant et à l'intérieur le maître, un homme à cheveux noirs, à larges moustaches noires, aux sourcils noirs très épais, au teint olivâtre, à la physionomie d'Américain du Sud, d'Argentin, comme le baron Isigo. Cet Argentin descendit de voiture, pénétra dans l'hôtel de la comtesse d'Ortega, montra une carte d'invitation à l'huissier et s'engagea dans les couloirs conduisant au salon. L'Américain du Sud fit un tour dans les salons et, se mêlant à la foule qui se retirait, il n'alla pas, par une singulière manie excusable chez un Américain, présenter ses hommages à la maîtresse de maison et il se retira bientôt après. En se retirant, il se trouva derrière l'Égyptien, sujet anglais, James Benamol. Il le quitta sur le perron de l'hôtel. James Benamol monta dans une voiture et fila de son côté. L'Américain du Sud monta dans son auto et sembla attendre quelques instants. Puis l'auto s'éloigna doucement, tandis qu'à la porte de l'hôtel venait d'apparaître, très soucieux, le front bas, le jeune Renaud, attaché au cabinet du ministre des Affaires étrangères de France. Le jeune Renaud prit lui aussi une voiture et s'éloigna. L'auto de l'Américain du Sud s'engagea dans la même direction que cette voiture.